Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des leaders des confessions religieuses appellent les leaders politiques à l'unité dans leur diversité. Ils participent à un atelier de sensibilisation et de formation organisé par Tier Fund International. En politique toujours, notre reporter nous conduira à Ngozi pour parler de la cohabitation des jeunes militants de différents partis politiques. Un poteau électrique haute tension est tombé sur une maison dans le quartier Rukinga de la ville de Rumonge le soir de ce jeudi. De quoi provoquer une peur panique chez d'autres clients de la régie des eaux. La même situation est rapportée au quartier 7 à Ngagara, c'est en mairie de Bujumbura. Quand les femmes leaders communautaires jouent bien leur rôle de conseiller dans l'assainissement des relations conjugales, certains conjoints de la commune Makamba en ont fait l'expérience et témoignent. Notre correspondant nous le dira en détail. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par le Conseil des ministres de ce 19 mars, où le secrétaire général et porte-parole du gouvernement nous dit que la réorganisation institutionnelle dans le secteur judiciaire en vue de se conformer au nouveau découpage territorial a occasionné des changements quant à la dénomination de certaines juridictions, au siège de certaines juridictions, à la compétence territoriale et a rendu nécessaire la création de certaines juridictions. Suivez l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres de ce 19 mars avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima, qui revient sur les grands principes observés. Les grands principes qui ont été observés pour bien mener ce travail sont les suivants. Premièrement, le respect du principe du rapprochement de la justice aux justiciables qui a fait que les institutions judiciaires existantes soient maintenues et en plus de quelques autres à créer. Deuxièmement, afin de s'assurer que la population de chaque localité a accès à une institution judiciaire, il a fallu vérifier si les 42 communes, les 451 zones et les 3044 collines ou quartiers prévus par la nouvelle loi organique sont bien répartis dans les institutions judiciaires de la République du Burundi. Troisièmement, pour définir les sièges des tribunaux de résidence, le critère qui a été pris en considération est la zone où se trouvent les locaux de la juridiction. Quatrièmement, pour les tribunaux de grande instance, c'est généralement la commune où se trouvent les locaux, à quelques exceptions. Cinquièmement, pour les cours d'appel, c'est la province où se trouvent les locaux qui a été prise en considération. À la suite de l'analyse, le Conseil des ministres a recommandé de faire l'inventaire du personnel judiciaire disponible dans les tribunaux de résidence avec comme principe que chaque tribunal aura deux juges. De cette manière, il sera plus aisé de connaître le nombre de tribunaux de résidence à mettre en place ou le personnel supplémentaire nécessaire. Le même travail sera fait pour les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. Il a été également recommandé que la dénomination du tribunal de résidence porte le nom de la localité, ça veut dire la colline ou le quartier qui héberge son siège. Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Je venais de vous le dire dans les titres, l'administrateur de la commune Makamba a organisé mardi une séance de dialogue réunissant les femmes leaders communautaires, les conjoints en conflit conjugal et ceux dont la relation s'est rétablie. Ces derniers ont témoigné du rôle prépondérant de conseillers joués par ces femmes leaders pour l'assainissement des relations conjugales, entachées souvent par l'ivresse. Les détails avec Élise Cuisela. Ces conjoints, dont les relations conjugales étaient caractérisées par des mésententes dans la commune et province de Makamba, disent qu'ils se querellaient à maintes reprises et ne pouvaient réaliser aucun projet de développement familial. En plus de cela, les enfants victimes de leur comportement pouvaient dormir pendant la nuit sans mettre quelque chose sous la dent. Ils témoignent qu'aujourd'hui, la situation s'est rétablie et peuvent s'entendre sur l'activité de développement à accomplir alors que jadis chacun d'eux dépendait de lui et par conséquent, les biens familiaux étaient dilapidés. Il salue le rôle joué par les femmes leaders communautaires qui leur ont divulgué des conseils et leur demandent de persévérer pour aider d'autres conjoints qui ne s'entendent plus. Et à propos de ce dernier, il les conseille de respecter les conseils et vaincre aussi la colère. Selon l'administrateur de la commune Makamba, Zuena Irakiza, l'ivresse et la pauvreté seraient à l'origine des mésententes conjugales dans cette commune. Cela a été dit ce mardi lors d'un dialogue organisé par cette commune à l'endroit des couples conjugaux en mésentente ou conflit, dont les relations conjugales s'est rétablie, ainsi que les femmes leaders communautaires, afin d'aider ceux qui sont encore en conflit à sortir de cette situation. De Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée. Certains clients de la régie des eaux dans la ville de Rumonge dénoncent la lenteur de cette société si elle est sollicitée pour le remplacement de vieux poteaux électriques en bois. C'est après qu'un poteau électrique haute tension se soit écroulé sur une maison dans le quartier Rukinga de la ville de Rumonge le soir de ce jeudi. Alors que le dit ménage avait sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la régie des eaux, mais sans succès, le propriétaire de ce ménage, qui parle d'un deuxième incident, demande à cette régie de distribution d'eau et d'électricité de vider définitivement ce problème. Son directeur général, Jean-Albert Manigomba, dit qu'un programme de remplacement des poteaux électriques en bois par ceux métalliques est en cours. Jean-Pierre Misago. Dans le quartier Rukinga, où un des poteaux électriques en bois a dû être soutenu par des perches après avoir failli provoquer une électrocution lors de son écroulement ce jeudi soir, un locataire rencontré sur place dit avoir passé une nuit blanche craignant improbable dérèglement des perches supports. La propriétaire de la parcelle, quant à elle, en colère, dit ne pas comprendre pourquoi ses enfants ont sollicité l'intervention de la régie des eaux sur ce cas depuis février, mais sans succès, jusqu'à ce que cet incident survienne. Cette femme dit que c'est la deuxième fois qu'un tel incident endommage les tôles de sa maison et demande le remplacement de ses poteaux avant qu'il ne soit tard. Alors qu'elle dit qu'à chaque fois, toutes les réparations reviennent à sa charge dans ces conditions, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, dit que si c'est prouvé que ce sont les équipements de la régie des eaux à l'origine des dégâts, cette société verse des indemnités. S'agissant des vieux poteaux en bois déjà inclinés dans plusieurs endroits de la ville de Rumonge, le directeur général de la régie des eaux dit qu'un vaste programme de remplacement des poteaux en bois par ceux métalliques est déjà en cours. Il y a de cela 10 jours qu'un autre poteau électrique en bois s'était écroulé dans la vallée de la rivière Mulembwe, plongeant dans le noir la ville de Rumonge toute une nuit. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit que la même situation est rapportée au quartier 7 de la zone Ngagara, mairie de Bujumbura. Là-bas, certains habitants ont des inquiétudes sur les poteaux électriques en bois de la régie des eaux qui peuvent tomber sur leur maison à tout moment. Cyril Boukourou, chef du quartier 7, déclare que ces habitants vivent la peur au ventre puisque ces poteaux risquent de causer des accidents mortels et tous demandent à la régie des eaux de tout faire pour redresser et bien fixer ces poteaux. Un reportage de Jean-Marie Mayonga. Ces poteaux électriques en bois qui sont penchés se trouvent dans le quartier 7 de la zone Ngagara dans différentes rues, à savoir Rimugamba, Bukemba, Bugendana et Songa. Ces poteaux qui sont à côté des habitations sèment de la panique à ceux qui habitent, car selon certains gens de ce quartier, ils craignent des accidents qui peuvent arriver si une fois il pleut. Ils précisent également qu'ils ont déjà signalé à la régie des eaux, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Nous habitons dans ce quartier, il y a des poteaux qui sont penchés et nous avons peur qu'il puisse y avoir des accidents. De même, des maisons peuvent être touchées par les incendies. Il y a plusieurs jours que ces poteaux sont penchés et même s'il arrive qu'aujourd'hui il y a de la pluie, certains peuvent tomber immédiatement. Sride Bukuru, chef du quartier Seti, signale que chaque fois il donne des rapports pour voir si la régie des eaux arrive, mais rien n'a été fait. Nous fournissons des rapports chaque fois. Ce sont des poteaux qui viennent de durer longtemps, ils sont déjà penchés. Les fils électriques sont lourds et des fois, ça arrive qu'ils tombent et ça nous dérange dans le quartier 7. Les inquiétudes sont multiples. Quand ils tombent, il y a des courts-circuits et des accidents peuvent arriver et on se précipite pour éviter que nos enfants approchent du lieu. Vous voyez, s'il y a la pluie mêlée du vent, c'est un problème, ce qui demande une urgence. Que ce soit le chef du quartier ou les gens qui habitent dans ce quartier 7, tous demandent à la Régie des Eaux de voir comment mettre en bonne position ces poteaux électriques. Nous demandons au service de la Régie des Eaux de venir rapidement pour les mettre en bonne position avant qu'il y ait des accidents. Nous demandons à la Régie des Eaux, à tout moment quand on les appelle, qu'ils viennent rapidement. Aux concernés, qu'ils prennent au sérieux ces problèmes et ne pas négliger, qu'ils considèrent la situation comme urgence car c'est leur travail. Le service chargé de l'électricité à la Régie des Eaux devrait chaque fois visiter cet endroit pour protéger les gens qui y habitent, disait-il. On marque une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les acteurs politiques sont appelés à avoir un esprit d'unité dans leur diversité pendant la période électorale. C'est un appel de certains leaders des confessions religieuses qui trouvent également que le verdict des urnes doit être respecté dans toutes les circonstances. Ils participaient ce jeudi à un atelier de sensibilisation et de formation organisé à l'endroit de ces leaders par l'organisation Tia Found International. Les détails avec Stella Naishimi. Certains leaders des confessions religieuses participant à cet atelier précisent que même en cas de conflit entre les politiciens, c'est à ces confessions que revient le devoir de les réconcilier, comme l'indique Monseigneur Martin Blaise Nyaworo, évêque du diocèse anglican de Makamba. Les confessions religieuses doivent être prudentes d'une façon ou d'une autre, puisque les membres des partis politiques sont membres des confessions religieuses. Donc, comment une confession religieuse peut-elle s'affilier à un parti politique? Non, puisque dans l'église ou dans les assemblées des églises, dans les mosquées, tous les partis politiques sont représentés. Donc, il faut cette neutralité en vue d'être un jour un arbitre de ces partis politiques, une fois déviés de leur code de conduite et déviés du code électoral et de la Constitution. Nous ne voulons pas attendre à ce que le pays tombe en gouffre. Plutôt, il faut prévenir, puisque prévenir vaut mieux que guérir. De son côté, Monseigneur Pedasuri Birakengana, évêque du diocèse anglican de Lumonge, fait appel aux acteurs politiques à l'unité dans leur diversité pendant la période électorale. Malgré leurs différences, les politiciens sont appelés à rester solidaires. Il faut une bonne cohabitation afin que même ceux qui n'auront pas gagné les élections acceptent le verdict de la population. Martin Blaise Nyaworo du diocèse anglican de Makamba, panéliste à cet atelier, interpelle les acteurs politiques à respecter le verdict des urnes de la population. Il faut laisser la population choisir leurs dirigeants librement. Se lancer des désirs n'a pas d'importance pour le bon déroulement des élections. C'est la CENI qui va proclamer les résultats finaux des élections. Cela au moment où les élections législatives et communales sont prévues le 5 juin 2025. Stella Ndayishimiye, Monseigneur Salvatore Nichi Teretse, évêque du diocèse catholique de Bururi et un des panélistes au second jour de cet atelier, a appelé les leaders des confessions religieuses à ne pas avoir de côté penchant pendant cette période électorale et d'agir en synergie pour apprécier ensemble ce qui est positif et déplorer ce qui ne va pas au niveau de l'administration. Suivez-le. Nous qui sommes des leaders, sommes-nous changés? Qu'avons-nous à apporter aux autres? Mais pour nous, est-ce que tu ne seras pas fié au Hutu, Tutsi, CNDD-FDD, CNL, Frodebu ou MSD? Si tu ne changes pas de mentalité pour que le blanc soit le blanc, le noir soit le noir et que le mal soit le mal, tout en s'appuyant sur la vérité de Dieu, tu n'arriveras nulle part. Dans la vie des gens, avoir un côté penchant sur un parti ou un autre, c'est possible. Mais le côté penchant que nous ne pouvons jamais adopter, c'est quand on ne pointe pas du doigt ou on garde le silence devant un parti ou un pouvoir qui opprime la population. C'est-à-dire que si on ne le dénonce pas, là il n'y a pas de la prophétie. Faisons attention ici. Si nous utilisons le nom de Dieu, comme certains politiciens, je ne dis pas tous qui utilisent le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez utiliser Dieu? Tu cherches tes propres intérêts, mais tu le fais à travers le nom de Dieu. Dans ce cas, tu ne sers pas la volonté de Dieu. Une fois qu'on se coalise comme nous le sommes maintenant, les catholiques, les protestants, les musulmans, nous déclarons un discours unanime qui apprécie ensemble ce qui est positif dans le pays et qui déplore ce qui ne va pas, je pense que ça pourra donner un grand changement. Monseigneur Salvatore Nichi Teretse, évêque du diocèse catholique de Bururi. Les jeunes militants des différents partis politiques agréés en commune Marangara de la province Ngozi ont des avis divergents sur leur cohabitation. Au moment où ceux des partis de l'opposition Iprona SNL réclament d'être associés dans les projets de développement, ceux du parti CNDD-FDD au pouvoir affirment qu'aucun jeune n'a de dents contre l'autre à cause de leur appartenance politique. L'administration communale explique qu'elle procède aux sensibilisations pour montrer aux uns et aux autres que c'est plutôt la diversité d'opinion qui enrichit le débat politique. Omer Ndouayo. Aho babonye abasenere babiri canke batatu bakoraniye imbonera kure zicaziza kubadori yazumviriza ibyo barimo ahubwo ingorane ziri kwabo bandi nyene ntibashaka guserura ivyimvira habo. Certains jeunes représentants des formations politiques de l'opposition, notamment ceux de l'Iprona SNL, œuvrant sur les collines Gisekuro et Burenge, apprécient négativement la cohabitation entre eux et les jeunes du parti au pouvoir. Ils dénoncent qu'ils ne sont pas associés dans le projet de développement. On nous exclut dans les projets de développement. La jeunesse du parti CNL, nous sommes capables d'exécuter les projets parce que certains de nous ont des capacités intellectuelles, mais nous ne trouvons pas cette chance. Je suis de l'Iprona. La cohabitation entre les jeunes affiliés à différents partis politiques est parfois bafouée parce que les jeunes du parti au pouvoir nous déséquilibrent. Des accusations niées par les jeunes du parti au pouvoir, CNDD-FDD, avançant plutôt que ceux de l'opposition, ne veulent pas collaborer. Je suis satisfaite de la cohabitation entre les jeunes de différents partis politiques. Pas de querelles, pas de mésententes, ça va bien. Nos leaders nous forment à respecter tout le monde, nous indiquant que tout citoyen est la richesse du pays. Nous sommes les serviteurs de tout le monde, sans distinction aucune. Selon Joseph Atungimana, chef de colline Burenge, des conseils de cohabiter comme des confrères sont prodigués par l'administration à la base chaque fois que des querelles apparaissent entre les jeunes militants de différents partis politiques. Je collabore naturellement avec les jeunes affiliés à différents partis politiques. Lorsque les mésententes apparaissent, le conseil coordinaire s'en charge. Juvenal Nyonzima, le conseiller de l'administrateur communal Marangara, chargé des affaires sociales et politiques, explique que pour maîtriser la situation, ces jeunes sont souvent sensibilisés à la bonne cohabitation. Lorsqu'on approche des élections, les jeunes sentent des morts. Certains disent que c'est nous qui allons gagner. Les autres disent aussi que c'est nous, dans ce cas, des conflits naissent. Nous avons enseigné les jeunes que ce n'est pas bon de créer des conflits entre eux, alors qu'il faut créer des projets pour le développement du pays. Ce conseil de l'administrateur communal appelle les jeunes à s'unir afin de bâtir ensemble le pays. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.